Je mets la radio à on. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission dédiée au parti politique Option nationale. La radio à on est une initiative de moi-même, Maxime Tremblay, pour faire la promotion de la plateforme et des candidats du parti Option nationale. À mon sens, il est invraisemblable que ce parti politique ne puisse être bien représenté au niveau des grands médias. Je fais donc du meilleur de mes connaissances pour aider. Au fil des prochaines capsules, je rencontrerai des candidats d'Option nationale pour évidemment qu'ils nous parlent de leur comté, mais aussi de leurs valeurs et ce qui les a amenés à militer pour Option nationale. Je vous donne donc un rendez-vous très prochainement sur les ondes de la radio Etaon.